하는 듯해 도구 크리스길 아직 그들은 이어 웃겨야 하는 바스 느낌이 가로울러 Son lit une fois.

sans avoir de regrets. On n'a pas de gêne, on se mélange, on danse à l'ancienne. Je vois pas ce qui dérange, on tombe, on se relève, on remonte la pente, on fait ça simplement. Que j'aime le reggae. L'hiver, je

Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, tous les vendredis soirs à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2 MHz. Et vous pouvez nous écouter partout dans le monde sur radio-arc-en-ciel.fr ou .com, comme vous voulez. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Donc, comme ça, vous pouvez arriver chez vous. Par exemple, si vous n'avez pas de poste FM, vous pouvez nous écouter sur votre ordinateur, sur votre téléphone et tout ça. Donc, le vendredi soir, on a l'habitude de recevoir des invités. Les deux dernières semaines, justement, il n'y en a pas eu. Hein. On a fait un petit récapitulatif de tous les artistes qui étaient venus ou qui vont venir dans l'émission Mavrika. Habituellement, on reçoit toujours des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, il y aura quand même une émission spéciale Prisma, mais le groupe sera pas dans le studio. Hein. Le groupe, il sera en direct dans une salle parce qu'il prépare un événement pour demain. Et donc, on les aura en exclusivité. Hein. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En direct, dans l'émission Mavrika, nous aurons les cinq membres du groupe groupe Prisma qui nous parleront de leur groupe, de leur association et aussi de l'événement qui aura lieu demain, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui je suis pas tout seul, hein. Je suis avec Pascal. Pascal il est de mon côté, il va passer de l'autre côté tout à l'heure, on va discuter un petit peu ensemble. Pascal vous le connaissez déjà si vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, une émission Mavrica. Il est venu avec le groupe Swim Camille. Donc on va parler de plein de choses, de musique, de concerts, et puis on va passer un bon moment. Et tout à l'heure donc Christophe va nous appeler de la salle à Cléry-Saint-André, dans laquelle va se dérouler demain le concert avec trois groupes. Bon, de toute façon, le mieux, c'est qu'on lui laisse la parole tout à l'heure. Il va nous en parler mieux que nous. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, la semaine prochaine, nous aurons le groupe Glass Zone dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une découverte, c'est la première fois qu'ils viendront dans nos studios. La semaine suivante, c'est les Satis Guy. Et on terminera ce mois avec comment il s'appelle, je suis en train de chercher son nom. Je vais le retrouver puis je vous le dirai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On est dans l'émission Mavrica, on va écouter beaucoup de musique. On a déjà commencé avec plusieurs groupes différents. Je me reconnecte et puis je vais essayer de vous les citer en direct live. Parce que là on est en train de discuter, puis du coup j'ai rien préparé. Mais bon, c'est comme ça dans l'émission Mavrica, on a l'habitude, hein, vous avez l'habitude aussi d'écouter l'émission et vous savez comment ça se passe. Hein. On fait ça à l'arrache, on fait ça pour le mieux, on fait ça avec notre cœur, et c'est ça le plus important. Voilà, donc depuis le début de l'émission, on a écouté Atala Némé avec A Tombeau Ouvert, Alex Lebaille avec Éphémère, Mourad, La Femme Parfaite, Max Livio, Simplement, Yous, Reggae. On a commencé très doucement, parce qu'après justement, on va parler peut-être de musique un peu plus hard, un peu plus métal. On a écouté aussi La Jarry avec Paradis sur Terre, et la version anglaise de Babylon. Juste après, on continue avec Yeti. You talk too much. C'est ce qu'on peut me dire. Je parle de trop dans l'émission Mavrica. J'ai laissé la place donc à la musique. On écoute Yeti, You talk too much et Glazone, Architecture of Life. Et oui, vous êtes dans l'émission Mavrika et le vendredi, on aime bien recevoir des invités. Alors ce soir, ben j'ai une personne qui va co-animer l'émission avec moi. Il s'agit de Pascal Depardet. Ça va, Pascal ? Ouais, nickel. Alors pour rappeler aux gens qui écoutent régulièrement l'émission, nous recevons régulièrement un groupe qu'on aime bien qui fait du swing, qui s'appelle Swing Camille, et qui est un trio. Et tu es le contrebassiste de ce groupe-là. Voilà. Et oui. Pour resituer un petit peu. Et tu as une belle voix, et puis tu m'avais dit j'aimerais bien un jour faire une émission avec toi, bah, ouais, y a pas de souci, ouais, donc ouais. On est là tous les deux, on va animer cette émission, donc on a déjà parlé de plein de choses hors antenne, on a parlé de différents groupes, par exemple le groupe qui vient de passer, tu le connaissais non, le groupe Glazone. Glazone non pas du tout, non, pas du première tout. Fois, première découverte. Bah, on le recevra la semaine prochaine dans l'émission Mavrika, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Architecture of Life, et donc le 14 avril, le groupe Glazone sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 avril, ce sera les Satisguy. Alors, c'est un groupe que tu connais, ça ? Non, pas vraiment. Mais pas je plus. Sais qu'ils font des bœufs tous les premiers mercredis à l'Octopub à Saran. J'aimerais bien y aller, mais à chaque fois, je zappe ou je suis pas dispo. Mais je vais y arriver. Hein, je vais y oui, arriver. De toute façon, oui, quand on veut, on y arrive toujours. Ouais. Et puis c'est vrai que là, il commence à y avoir pas mal d'événements. Hein. Il y a eu plusieurs concerts. Bah, j'en ai fait plusieurs. J'en fais toutes les semaines, donc c'est un petit peu compliqué aussi. La semaine dernière, c'était à l'Alliage. J'ai été voir le groupe La Jarry, un groupe que j'aime beaucoup, moi, et qui à chaque fois qu'ils viennent sur Orléans, je vais les voir. Et en première partie, il y avait notre ami Alex Le Bail. Donc un très bon moment avec beaucoup une très bonne ambiance. Et dans une salle que je connaissais pas encore, une très belle salle qui sonne très très bien. Donc c'est où C'est à l'Alliage, c'est à Olivet. L'endroit exactement, je pourrais pas t'indiquer. Ouais, non, mais c'est à Olivet. Voilà, apparemment c'est une nouvelle salle. C'est la première fois que j'allais là-bas et une salle qui est faite pour les concerts. Il y avait juste un truc, c'est un amphi, donc les gens étaient assis. Mais vous connaissez La Jarry, ben on commence assis et on finit debout, hein, c'est comme ça. Et très près de la scène en plus, hein, vraiment une très bonne ambiance. On a écouté deux morceaux tout à l'heure de La Jarry. On a écouté Le Paradis sur Terre, hein, c'est ça. Paradis sur Terre, oui. Le Paradis sur Terre et la version anglaise de Babylone. Hein, c'est vrai qu'on la passe rarement celle-là parce que ils enregistrent aussi leurs morceaux. Hein, il faut le savoir en anglais parce que comme ils font des tournées internationales, ils vont souvent aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, bah, ils ont aussi des versions anglaises de leurs chansons. Perso, moi, j'aime bien quand je chante en français. Mais bon, après, moi aussi, voilà. Je préfère. Voilà, on est un petit peu chauvin, peut-être. Hein. Non, mais je pense que on aime bien aussi comprendre les messages que les artistes veulent passer. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas super linguiste, comme beaucoup de Français, entre autres, dont moi je fais partie. Donc, ouais, non, je préfère la version française toujours. Oui. Et puis, c'est vrai que. Les paroles de La Jarry ont toujours du sens, donc c'est bien de comprendre, parce que, bon, à la limite, qu'on chante I Love You Baby, etc., bon, c'est très oui. sympa, mais quand il y a vraiment des messages et des paroles sur lesquelles tout le monde peut se reconnaître, bah, je trouve que c'est bien quand le public peut comprendre. Voilà, on est en France. Voilà. Satisguy, donc, sera avec nous le 21 avril. Et tout à l'heure, je cherchais le nom. Ah bah oui, c'est Stéphane, notre ami Stéphane, qui viendra avec son projet Stéphane Acoustique. Stéphane qui a aussi un projet qui s'appelle Les Ailes au Nord, que nous avons déjà reçu à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça fait déjà un petit moment. Et il a aussi ce projet, donc le 28 avril, Stéphane viendra ici en acoustique, hein, donc avec sa guitare. Et donc c'est son projet solo et on est content de le retrouver parce que ça fait un petit moment. Il y a eu la coupure du Covid, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui venaient régulièrement et puis tout d'un coup il y a une coupure. Et là on est content de revoir les gens revenir dans l'émission Mavrika parce qu'on aime bien ça, le partage, échanger plein de choses. Hein, donc on va parler de plein de groupes. Alors depuis le début de l'émission, on a déjà écouté plusieurs groupes différents. Tout à l'heure, bah, on va peut-être les commenter un petit peu. Atalanemé, tu ne connais pas. Pas du tout. C'est un groupe, un artiste de la région parisienne, voilà, qui m'a envoyé ce morceau qu'on diffuse déjà depuis plusieurs semaines. Et bah, on va essayer de se débrouiller pour qu'il vienne un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Alex Le Bail, tu le connais, oui, lui. Oui. Voilà. Donc il était en première partie de La Jarry et puis il nous a fait un truc super bien. Être tout seul sur scène, ça ne doit pas être évident. Et lui, avec sa guitare, il a réussi à nous enchanter et puis à nous mettre en appétit juste avant le passage de La Jarry. Voilà. Mourad, tu connais Mourad ? Ouais, j'ai déjà écouté, mais je suis pas plus que ça. Ah oui, oui, parce qu'il y a des noms comme ça qu'on connaît, mais tu connais pas forcément. Après, si je revois la personne, oui, oui, là, ça va me remarquer, mais. Et Mourad, il passait sur Radio Arc-en-Ciel samedi dernier dans l'émission de Carla. Voilà. Donc j'avais vu ça. Donc Mourad qui est déjà venu plusieurs reprises. Hein, c'est quelqu'un d'habitué dans l'émission Mavrika. Et il revient quand veut. Il y a pas de souci. Max Livio aussi. Hein, oui, je l'ai reconnu tout de suite. Oui, oui. Hein, le grand Max. Hein, il est grand par la taille et par le talent. Hein. Joli bestiaux. Yous, est-ce que tu connais Yous? Pas du tout. Non. Alors Yous, il est venu déjà. Avec, bon, et c'est quelqu'un, c'est un artiste qui fait du hip-hop, qui fait du rap, qui fait aussi du reggae, et j'aime bien son côté reggae. Il fait aussi son côté, comment dire, acoustique, on va dire comme Stéphane, c'est-à-dire qu'il interprète les morceaux accompagnés de la guitare, et il nous avait fait un morceau qui s'appelle Méditerranée. C'est avec ce morceau-là qu'on l'avait découvert avec Didier, et depuis, bon, on le suit, et puis il vient régulièrement nous voir, et c'est un artiste qui a beaucoup de talent et beaucoup de facettes dans sa manière de faire, quoi, dans son univers, quoi. Voilà. On a écouté aussi le groupe La Charie, hein, Paradis sur Terre, Babylone, le groupe Yeti qui fera partie du prochain Mavrika Live. On peut en parler dès maintenant aussi. On peut en parler. C'est le 10 juin. 10 juin. Alors toi, tu seras là. Oui. Bah oui, voilà, tu fais partie aussi de l'association Mavrika, c'est quand même important de le dire. Et donc le 10 juin, on reçoit pas un, pas deux, pas trois, mais quatre wow. Projets. Et pas des moindres, hein, puisque on les sélectionne déjà. Les meilleurs artistes viennent dans l'émission Mavrika, hein, il faut le savoir. Et parmi les artistes qui viennent dans l'émission Mavrika, on choisit les meilleurs des meilleurs. Donc, non, après, c'est effectivement soumis à des votes. Donc, on demande aux groupes qui veulent participer au Mavrika Live de se proposer. La dernière fois, il y en avait une quarantaine. Sur les 40, il a fallu en choisir 4. On en avait choisi 4, mais il y en a eu un changement au dernier moment, parce que finalement, l'événement devait avoir lieu le 20 avril 2020. Et depuis, ça a été annulé. Donc, on repart en mois de juin 2023, 3 ans après. Et on a recontacté les mêmes personnes de l'affiche. Il y aura donc le groupe Yeti. Ils ont dit toujours présent. Il y a aussi le groupe Custom, toujours présent aussi. Le groupe Melody Road, toujours présent aussi. Et le groupe Duke, qui n'a pas pu venir, donc qui a été remplacé par notre ami Alex Lebaille, oui. Voilà, qui a fait la première partie de la Jarry, et il sera avec nous aussi. Et donc, je pense qu'on va passer un super moment. Très, il y aura aussi bon des exposants. Les exposants, on les a pas encore tous. Mais bon, on va le mettre. Alors, il y a un événement sur Facebook, hein, vous pouvez aller chercher, c'est Mavrika Live 12. Et vous allez dedans et vous avez le détail de tous les groupes qui vont passer avec leur style musical. Et on aura l'occasion d'en écouter aussi dans l'émission actuelle là. Donc on a écouté Yeti, mais on en écoutera aussi d'autres. Hein. Voilà. Glazone, donc, qu'on reçoit la semaine prochaine. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Architecture of Life. Bon, je préfère le dire avec l'accent français, parce que si je commence à me lancer dans l'accent américain et tout ça, ça devient un peu plus compliqué, yes. Surtout yes, pour moi. I understand. Et donc, on va continuer à écouter pas mal de musique. Et tout à l'heure, vers les 20h, donc le temps passe très vite, hein, c'est dans une dizaine de minutes, nous allons recevoir... Via téléphone. Un téléphone, un coup de téléphone de notre ami Christophe, qui est le guitariste du groupe Prisma, et il va nous parler donc de l'événement qui aura lieu demain, de son association et forcément de son groupe, et aussi des autres groupes qui vont participer à cet événement. Donc plein de choses qui vont se passer dans l'émission Mavrika en direct, mais en attendant on va continuer avec un groupe qui s'appelle No Blush, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Get Down, le groupe No Blush qui est déjà venu au moins 2 fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qu'on continue de suivre. On va écouter avec beaucoup de plaisir ce morceau qui s'appelle Get Down. I've uncovered your secret. Before the crime. Voilà, on vient d'écouter deux morceaux à la suite. On a écouté No Blush avec Get Down. Et juste à l'instant, tu vas peut-être m'aider parce que je connais pas trop ce groupe-là. Non, moi non plus, je vois pas du tout. Le groupe Funkabil dont tu fais partie, donc oui. Tu es contrebassiste. Et on peut parler aussi des autres membres de ce groupe-là. Oui, hein. Patrick et Marcelin. Marcelin à la pompe, c'est-à-dire la partie rythmique du style de musical. Mm-hmm. Et Patrick au niveau de la ligne mélodique, le leadership musical. Voilà, très bien. Vous étiez venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je crois que vous aviez fait la dernière émission 14 live, hein, c'est ça. Possible, hein. Oui. C'est oui, possible. Oui. Ouais. On n'est pas con. On ne garde pas la dépense. On avait passé un très bon moment. Et puis c'est vrai que assister comme ça à des concerts privés, hein, c'est parce qu'on a cette chance-là dans l'émission Mavrika, c'est pouvoir diffuser sur une antenne de radio. Et en même temps, moi, j'ai la chance d'être dans les studios et d'assister comme ça à des concerts dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, c'est le studio, vraiment un petit studio. Ouais, mais on arrive à faire des bonnes choses. On tient à 4-5, sans problème. Faut pas sortir un batteur, c'est tout. Ouais. Oui, non, et puis les batteurs, maintenant, il faut éviter à cause des voisins, parce que ça fait beaucoup de bruit. Et puis donc, après, si c'est pour accommoder les voisins, c'est pas la peine. C'est pas l'objectif. Après, on peut apporter des enregistrements, quand les groupes viennent ici, apporter des enregistrements, et après, jouer, c'est en acoustique, ou alors vraiment à faible niveau, on peut pas non plus amener trop d'amplification, etc. Le groupe Suncamil, vous interprétez, vous êtes un groupe de live, mais vous avez jamais eu l'idée d'enregistrer vraiment vos morceaux? Alors, on a fait l'acquisition d'une carte son il y a très très peu de temps. Donc Patrick, qui a un peu de temps parce qu'il est retraité, et surtout c'est lui qui a le matériel, il essaye de faire des réglages afin qu'on en arrive à peu près à faire un enregistrement à peu près propre. Oui, il m'en avait parlé la dernière fois que je l'ai vu, et il me disait justement, alors je suis en train de me gratter la tête, parce que bon, c'est de nouveau matériel, il faut que j'arrive quand même à le dompter un petit peu au départ. Bon, après je pense que ça va venir, mais bon, c'est vrai qu'au début, les installations, les choses comme ça. Cubase et autres systèmes. Autres logiciels, voilà. Ça arrachait les cheveux. C'est un métier. Ils sont très performants, ces trucs-là, mais il faut savoir bien les maîtriser justement, il y a tellement de paramètres, tellement de choses qu'on peut changer qui fait que au début, on se gratte un peu la tête pour trouver les... Non, je pense que 2025-2026, on sera opérationnel. Avec le temps, et puis en même temps, c'est une passion, parce que vous aimez la musique, vous aimez aussi enregistrer, faire des enregistrements, donc là, ça va être là, l'objectif surtout, c'était qu'on puisse travailler chacun chez soi la partie qui nous intéresse. Donc on enlevait notre instrument, et puis comme ça, on tournait sur la boucle des copains. Mm-hmm. Donc ça va être. C'est en cours. Très bien. Donc, à suivre. Hein. Et puis, dès que vous avez des enregistrements, il ne faut pas hésiter à revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous les présenter. Et puis après, vous nous laissez, comme ça, on les diffuse dans les prochaines émissions. C'est ce qu'on fait avec tous les artistes. D'ailleurs, l'artiste que je vais vous faire écouter maintenant, elle est venue dans les studios il n'y a pas très, très, très longtemps. Elle était venue aussi avec un groupe de hip-hop. Donc, il y a eu des freestyles dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous voyez déjà de qui je veux parler. Alors, le groupe de freestyle, c'est United Crew. Et l'invité qui a invité ce groupe-là, c'est Yavanna. Et justement, elle m'a mis sur le Facebook de l'émission. Et n'hésitez pas à aller mettre des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Ou juste un petit j'aime pour dire, on aime ce que tu fais, ça nous fait plaisir. Donc sur le Facebook de l'émission Mavrika, sur le mur, je vous mets le programme de tous les morceaux que nous allons écouter ce soir. Et elle a mis « Reste ». Ça veut dire, elle veut que je reste à la radio, hein, c'est ça, hein, le truc. Hein. Il reste, t'en vas pas. On reste, hein, on va rester tous les deux. On avait eu l'occasion de faire un plateau ensemble sur un camion à Sercotte pour le feu de la Saint-Jean, je crois, avant le Covid, encore un coup. Hein. Et donc, on avait joué juste avant elle. Très bien, on va écouter ce morceau qu'elle nous avait présenté. Alors la première fois qu'elle l'avait présenté, c'était en exclusivité, c'était pas la version définitive et il n'y avait pas vraiment de nom. Le nom, elle hésitait encore. Aujourd'hui, on sait qu'il s'appelle Reste. Et on va écouter donc la dernière version, celle qu'elle nous a laissée lors de son dernier passage. Yavanna avec Reste. We'll be right back.

Voilà donc le premier morceau de Prisma, le groupe que nous allons interviewer. C'est donc leur émission aujourd'hui. C'est l'édition numéro 547. Et nous avons justement le groupe Prisma au téléphone. Allô, bonsoir. Ouais, salut. Ça marche, bon, c'est bon, impeccable. Donc. Ouais, impeccable. On entend bien. Donc, voilà. On est pas tout seul, hein. Il y a Ben et Fred. D'accord. Donc Ben le bassiste et Fred le Ben le batteur et Fred le bassiste. Ouais. Voilà. Exactement. C'est ça. Bah, ça fait plaisir parce que justement, donc on va parler déjà du groupe, hein, le groupe Prisma, un groupe qu'on connaît déjà dans l'émission Mavrica. Hein, pour ceux qui écoutent, ouais. C'est assez rare qu'il se passe une émission sans qu'on passe un morceau de Prisma, quand même. C'est vrai. Et on t'en remercie. Énormément, parce que c'est vrai que tu diffuses souvent les quatre titres, un des quatre titres de notre mini EP. Ouais, bah, donc vous avez un... Alors, ouais. Donc on a hâte de sortir le nouveau, là. On s'est promis de pouvoir le sortir avant l'été. D'accord. On a pris un peu de retard, mais on est un peu des flemmards, on prend notre temps. Bah, il vaut mieux prendre son temps. Hein. Pour tout ce qui est artistique, je crois qu'il faut pas se précipiter. Des fois, on fait les choses dans la précipitation et après, on regrette parce qu'il y a des choses. Bon, quand on en fait l'enregistrement, ça reste gravé pour toujours, quoi. Donc, voilà, il faut du temps. Il faut des fois se reposer entre deux écoutes parce que des fois, vous écoutez, ouais, j'ai un truc super, faut le réécouter le lendemain. Ouais, finalement, voilà, et c'est parce que le cerveau, il se fatigue aussi. Donc, l'enregistrement, c'est vous qui gérez tout ça. Bah oui. Bah oui. C'est vraiment du fait maison. Il y aura que le mastering qu'on a préféré confier à une tierce personne et qu'on a déjà retenu d'ailleurs. C'est un ingé son de Blois. Mmh. Pour l'instant, je peux pas citer son nom, mais voilà, s'il écoute, il va se reconnaître. Et en fait, bah voilà, parce que. Tout faire à la maison avec nos paires d'oreilles à nous, on peut passer à côté de quelque chose qui nous on s'en aperçoit pas et puis qu'après peut-être on pourrait se dire si on avait su on aurait corrigé le tir. Tout à fait. Voilà, l'avantage. Et en plus, le mastering, c'est comme quelque chose de particulier, c'est-à-dire que souvent les gens qui font le mix laissent le mastering à quelqu'un d'autre. C'est comme ça parce que il y a certaines boîtes qui font tout, hein, ils font le mastering, ils font tout, mais souvent c'est déjà des techniciens différents qui font parce que c'est deux choses complètement différentes justement le fait de remettre à une autre personne qui va découvrir le mix déjà fait il va partir de quelque chose de différent alors que la personne qui a mixé est partie vraiment de la base, hein, la capture des sons, le mixage et tout ça. Donc moi tiens la preuve, c'était de la jarrie, on a discuté avec eux. Eux, ils ont aussi un studio d'enregistrement qui s'appelle Mea Culpa, qui est à Orléans, et ils confient leur mastering à un technicien de Los Angeles, carrément. Ah oui, carrément. Voilà, okay. C'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps, et puis donc ils leur confient à chaque fois leur son. Bon. Voilà. Après, il y a un coût, hein, je te le cache pas, mais... Ah bah oui, ça c'est... Mais voilà, après, il faut savoir ce que l'on veut, et puis voilà. Donc voilà, pour la petite histoire, donc l'enregistrement est quasiment bouclé à 98%. Il reste des petits arrangements bois. Après, il y aura une écoute totale entre nous. Quoi. Le mastering. Donc, je te dis, normalement, 9 coups de titre pour sortie avant l'été. Voilà. Ah, super, 9 titres. Donc, c'est le premier gros album que vous sortez là. Ah, voilà, le premier vrai album LP, vrai LP. LP, parce que le premier, il avait quatre titres bien enregistrés, tout ça. Mais je sais que toi aussi, tu es un perfectionniste et même au niveau de ton studio, tu l'as amélioré, tu as appris aussi, parce que ça, c'est un métier dans lequel on apprend toujours. Hein. Toi, c'est pas forcément ton métier, mais c'est ta passion. Et petit à petit, tu maîtrises de plus en plus les logiciels. On en parlait tout à l'heure avec Pascal. Les logiciels, le matériel, bah, tout ça, ça a son importance. Hein. Donc, bien sûr. Hein. Très bien. D'ailleurs, si tu viens de citer Pascal, bah, on lui souhaite bien le bonjour. Salut. Pascal de Swing Camille, alors. Hein, ouais, c'est ça. Bah, salut Pascal. Je ne sais pas si on a eu le plaisir de se rencontrer sur un concert. Sûrement de se croiser. Après, plus concrètement, non. Mais bah, je pense qu'on se verra sûrement demain. Ah, bah, c'est ça. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances. Oui, il y a des fortes chances, parce que je crois qu'il se passe quelque chose demain. Bon, Alors, voilà, exactement. on va continuer à parler du groupe, après on va parler de l'association, ouais. Et après on parlera aussi de l'événement, parce que ça c'est quelque Bien chose. Sûr. On va faire ça en trois temps. Alors déjà, le groupe, il existe depuis combien de temps? Ça fait combien de temps? Il y a 2000, dans cette formation, mi-2019. 2019, oui, c'était juste avant le Covid, hein, le Covid-19, hein, d'ailleurs, c'est ça s'appelle ça pour ça. Et puis après, donc, ça a été un peu particulier. Mais bon, la formation que vous avez, donc, vous êtes cinq musiciens. Hein. Exact. En plus, des musiciens que je vous connaissais tous dans d'autres formations. Hein. C'est quand même quelque chose. Par exemple. Oui, Fred, c'est un ancien des Garennes. Oui, Garennes, hein. Par exemple. Évidemment, un ancien des Troopers avec moi. Ouais. Les Wild Bards. C'est avec les Wild Bards que je l'ai découvert. Ouais. Voilà. J'ai pas l'occasion de le recevoir à ce moment-là, mais bon, je l'ai connu après. Hein. Donc, Fred, voilà. Ben, il faisait partie des Blues Factory, des Garennes, etc. Donc, Stinger aussi. Oui, les Stinger. C'est vrai qu'il fait partie de tellement de formations différentes. Et en plus, il a participé déjà à des Maverick Alive avec nous aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et Fred aussi. Hein, il était venu avec les Garennes. Je me souviens, c'était encore dans la salle en bas. Voilà. Oui, il me semble qu'il y a une chanson aussi pour Maverick, non? Oui. Avec Fred. Avec Fred, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, la chanson Maverick, oui, elle a été composée par les Garennes. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, j'aime bien la passer de temps en temps, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas diffusée. Tiens, je vais voir si je la retrouve, et puis on la diffusera un petit peu, parce que c'est des bons souvenirs. Donc, ça avait été enregistré dans un studio professionnel. C'était au studio Émergence à Châteauneuf-sur-Loire, avec notre ami Stéphane. Et on avait enregistré, donc c'était une chanson qui, à l'origine, était une balade. Et après, on l'avait fait un peu plus punchy pour pouvoir l'enregistrer. Et c'était les Garennes qui nous avaient fait ce cadeau-là. Donc, c'est eux qui ont fait la musique et les paroles. Et puis après, donc, c'est eux aussi qui ont joué, hein, les musiciens qui ont enregistré. Et après, par contre, les voix, elles ont été composées par une vingtaine d'artistes qui s'étaient relayés pour interpréter chacun une phrase des couplets et du refrain. Et donc, très bon souvenir, hein, bon souvenir. C'est vrai que ça commence à dater, hein, mais bon, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et puis là, il y a un enregistrement qui est resté, et voilà, il sera là pour toujours. Il y a une vidéo, il me semble. Hein, avec il y a une vidéo aussi, ouais, qui avait été montée par Benoît, je crois. C'était pas toi, Benoît, qui avait monté Oui. Il y avait cette vidéo-là, ouais. Donc, voilà. Et puis bah moi c'est des groupes ça remonte à loin, hein, parce que j'ai eu une bonne période de pause, on va dire ça comme ça, familiale. Moi j'ai fait partie de Death Rider, c'était en 86, hein, ça remonte, hein. Ouais, oh, c'était hier. 86, c'était hier. On avait pas mal tourné, après j'ai fait Légende, j'ai joué dans Odyssée. Bon, c'est que des noms de groupes qui laissent des traces, mais voilà quoi, c'est des bons souvenirs. Mmh. Pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc Prisma, en ce moment. On va quand même parler des deux autres. Ah oui, des deux autres, oui. Ils ne sont pas physiquement présents, mais ici dans notre tête en tout cas. Oui. Donc il y a Phil, Phil sans fille au chant. Mmh. Lui, c'est un ancien Muren. Même on peut remonter plus loin, parce qu'on s'est connus à cette époque-là. Il jouait dans Prignon Virgin. D'accord. Du côté de Nouan-sur-Loire. Mais alors là, ça remonte. J'avais vu un clip d'eux sur France Télévisions. Donc, France 3. Pardon, France 3. Mais là, ça remonte. Mais je l'ai encore, hein, sur une cassette, une VHS qui traîne chez moi. Et déjà à l'époque, Phil m'avait marqué. Donc, Il a une sacrée voix et donc beaucoup d'expérience. Oui. Donc, c'est un très grand artiste que tu as réussi à mettre dans ton groupe. Il y a Gilou. Et après Gilles, donc lui, il a beau se cacher derrière son clavier, on le voit toujours parce que c'est une personne. Mais il est grand. Hein. Il est très grand. Il est impressionnant. Bon délire, et il peut pas se cacher derrière les claviers. Et c'est quelqu'un qui jouait dans The Grape, d'autres formations aussi. Qui joue toujours dans The Grape. Oui, parce que The Grape, pour l'instant, je ne sais pas s'il se passe quelque chose, parce que je ne vois rien de nouveau. Mais bon, il fait toujours, ils sont peut-être en stand-by, mais peut-être ils travaillent dans leur coin. D'après nos infos, ils jouent au mois de mai. Donc, donc très bien, très bonne nouvelle. Alors, parce qu'il y a des groupes, des fois, qu'on n'entend pas parler, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais quand on les voit revenir, on dit, ouais, voilà, ils bossaient sur autre chose. Le Covid a cassé certaines choses avec eux, et voilà, quoi. Mm-hmm. C'est un peu difficile, des fois. Donc, oui, il a joué là, et puis moi, j'ai découvert Gilles, en fait, sur un plateau où tu étais présent, d'ailleurs. C'était à Jargeau, aux plages. Mm-hmm. Il jouait avec Hear the Silence, oui, voilà. Cherchez encore un autre groupe dans lequel il avait joué, oui. Voilà, et c'est là que je l'ai découvert. Je ne le connaissais pas avant, hein, Gilles. Hein, et je m'étais rappelé de sa qualité de jeu, et puis de sa posture, et voilà. Et puis, j'avais discuté vite fait, bien fait avec lui. Et puis, quand on a cherché un claviériste, je me suis rappelé de Gilles. Voilà. Mmh. En plus, et on forme une super équipe, franchement. C'est comme une famille, on est les cinq doigts de la main. Et surtout au niveau compo, c'est un véritable plaisir de jouer avec ces mecs-là. Ça m'étonne même pas. Les connaissant, voilà, les connaissant tous, ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, je sais que ça fonctionne bien entre vous. Vous avez trouvé vraiment un style. Parce que vous venez quand même de styles un petit peu différents les uns des autres. Il y en a certains qui sont capables de faire plusieurs styles même. Prisma, Prisma. C'est le style de Prisma. Ouais. Prisma, donc à un moment, vous parliez de comment on appelait ça, de rock FM. Maintenant, je vois sur l'affiche, c'est plutôt hard mélodique. Oui, parce qu'en fait, alors, pour la petite histoire, on a appris il n'y a pas très longtemps, puisque ça fait 15 jours, qu'en fait, FM, faudrait faire des titres hyper commerciaux, c'est-à-dire avec des refrains très chantants, qui répète 10 fois, 100 fois la même chose. Oui, pour que ce soit très accrocheur, pour que les gens, tout de suite, ils adhèrent à ça, quoi. Voilà. Et c'est surtout qu'il faudrait qu'on respecte un format en durée entre maximum 4 minutes. D'accord. Or, on n'est pas capable. Ah oui, Rock FM, parce que forcément, le format radio, c'est 3 minutes et quelques. Et donc... Bon, à part sur Radio Arc-en-Ciel, alors là, on s'en fout un petit peu, que ça dure 8 minutes, quand c'est bon, on envoie et on écoute le morceau en entier. Mais c'est vrai que certaines radios commerciales, vraiment, ils ont un format, et donc, comme c'est du rock FM qui passait dans les radios, donc ils étaient obligés de le respecter, donc maximum 4 minutes. Ah d'accord, c'est un truc que je savais pas, mais tu vois, c'est bon à savoir. On l'a appris il y a une quinzaine de jours. Et puis moi, j'étais persuadé que FM voulait dire parce qu'il y avait du clavier aussi présent qu'une guitare, d'accord. Ça, de toute façon, c'était clair dans notre tête, c'est ce qu'on voulait absolument. Je croyais qu'on pouvait se considérer comme groupe hard FM ou rock FM. Mais en fait, depuis qu'on sait que c'est un standard moulé pour les radios, vu la taille de nos titres, notamment dans le futur album, Non, on n'a pas du tout respecté ce format de 3 minutes 30. J'espère qu'il n'y aura pas des radios, si on a la chance un jour d'être diffusé sur des grandes radios, j'espère qu'il n'y en a pas qui voudront nous couper ou l'intro ou les solos ou la fin, parce que là, ça ne va pas le faire. Ah oui, c'est vrai que quelque part, vous avez quand même vos morceaux, vous avez composé d'une certaine manière, tout ça, avec une architecture. Et si on a certains qui se permettent de le couper, ou alors après, il faut qu'ils vous demandent à vous de faire une version radio. Parce que couper une version qui existe déjà, ça ne se fait pas, quoi. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord. D'accord, voilà. Ok. Mais de toute façon... Quand on a décidé de composer un morceau... parce qu'on voulait mettre ça dedans, et puis il fait 7 minutes. D'ailleurs, il y en a un qui fait quasiment 7 minutes. D'accord. Vous verrez hein, sur l'album. Hors de question de couper ni l'intro, ni rien du tout. Voilà. Faut pas y toucher, voilà. On ne coupe non, pas. De toute façon, on ne saurait pas faire. C'est facile, hein. On ne saurait pas quelle partie on doit couper, donc non. On n'y touche pas. Donc, Rock FM, on oublie un petit peu, on va dire maintenant. Non, on peut hard mélodique. Oui, on peut continuer à la limite. Voilà. Il y avait quoi comme... des fois, les gens me demandent de citer des groupes, donc on pense forcément à Scorpion. Qu'est-ce qu'il y avait Europe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme groupe à cette époque-là Moi, je dirais que les influences... Ouais, enfin, là, on va plus sur les lignes, mais... Les influences principales, c'est Van Halen, Bon Jovi. Van Halen, Bon Jovi, ouais, bien sûr. Van Halen, ouais. Bon Jovi. Des fois du Toto, en plus hard rock, mais ouais. Du Toto quand même, dans la structure des titres, sans prendre le melon, mais au niveau technique, il y a des passages qui sont assez ardus. Mmh. Et voilà, on pourrait considérer que ça se rapproche à du Toto, qui ne sont pas des Mickey de foire, comme dirait mon Fred. Oui. Ah non, c'est ça. donc voilà, après, ouais, effectivement, Fred, il a raison aussi. Y a des nouveaux titres, là, qui sont... On en a composé deux autres de plus, qui ne seront pas sur l'album, hein. Et là, c'est vrai qu'on a un peu durci le son. Le son, parce que déjà, et d'une, c'est des morceaux qui ont été composés avec une 7 cordes au niveau guitare, d'accord, une 5 cordes au niveau basse. Et forcément, le son, il est différent que sur une guitare normale. Mm-hmm. D'accord. Et on a des influences, on va pas les cacher, comme plus du Rammstein, par exemple. D'accord. Comme du Pretty Maids. Pretty Maids, c'est un groupe de heavy metal danois. Et je dirais pas qu'on fait du heavy metal, mais voilà, la notion, c'est de la, pas de la brutalité, de la, je cherche le terme, de la harmonie, de l'énergie. Voilà, des titres énergie avec des refrains bien mélodiques. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, tu nous as bien expliqué quel était le style de musique. On a écouté un morceau qui s'appelle Rock Now tout à l'heure. À la limite, on en écoute un deuxième, là, si tu veux. Eh ben, volontiers. moi, j'ai calé le morceau qu'on passe dernièrement, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup diffusé Rock Now. Dernièrement, on écoute beaucoup Lust for Life. Je propose qu'on écoute ce morceau-là, et puis on se retrouve juste après. Ben, si tu veux, sinon, il me semble que je t'en avais envoyé un. Oui, j'en ai deux autres, mais on a le temps encore de discuter un petit peu. Ah, d'accord, bah, ok, donc après, si tu veux qu'on cale un autre, tu me le dis tout de suite, comme ça on le cale, et puis on se retrouve, on le cale, et dès qu'on fera la prochaine parenthèse musicale, et ben on enverra ce morceau-là. Tu veux lequel? Tell Me, puisque donc, Tell Me, en fait, fera partie du LP, 9 titres, et donc ça, c'est un des derniers morceaux que l'on a composé. Alors, c'est une sortie de console au niveau mix. Il n'est pas encore masterisé, hein, donc voilà, il y a encore des petites fréquences qu'il faut nettoyer. Mm-hmm. Et ça donne déjà une bonne couleur du genre de titre, la couleur du futur album. Quoi. Donc, d'accord, bah, comme ça on va le caler. Là, on va écouter Lust for Life, et puis après on écoutera donc Tell Me. On fait comme ça. Donc on va faire une petite parenthèse, parce qu'on parle déjà, on dirait pas, ça fait une demi-heure qu'on parle déjà. Ah oui, et on a encore plein de choses à dire, hein, donc allez, on envoie le morceau et puis on se retrouve juste après. Fait comme d'accord. Ça. C'est parti. Merci. D'écouter donc le deuxième titre de Prisma dans cette émission. C'est le morceau qu'on écoute assez régulièrement, Lust for Life. Et on retrouve justement le groupe Prisma. C'est vrai qu'on a plein de choses à dire en même temps. Et puis on parle du groupe déjà, le groupe Prisma. Donc on sait qu'il est composé de 5 artistes. Hein, voilà, on va dire artistes avec un grand A. Il y a Phil, Ben, Chris, Fred et Gilles. Et ils sont en direct actuellement à Cléry-Saint-André, c'est ça, hein ? Exactement. À Cléry-Saint-André. Espace Loire, donc c'est un endroit, on peut commencer à le dire tout de suite, c'est un endroit où il va y avoir un concert demain. Exactement, un festival. Un festival carrément, parce que c'est pas un groupe, c'est pas deux, c'est trois. Bah voilà, et puis en fait on est parti sur cette idée de le Creek Fest, c'est un festival, peut-être que l'année prochaine il y aura 4 groupes, peut-être 5, voilà. Mais en tout cas il n'y aura pas que 2 groupes, ça c'est sûr. Très bien. Le format nous plaît bien. Alors, c'est organisé par une association qui s'appelle Creek for Zik. Exactement. Alors, tu vas nous parler déjà de cette association-là. Tu nous en as déjà parlé dans l'émission, mais c'est bien de le rappeler parce que, bon, quand on a des amis dans l'émission Mavrika qui s'occupent justement de faire bouger un petit peu le rock dans la région, eh ben, on ne peut qu'en parler dans l'émission Mavrika. Voilà. Ah ouais, impeccable. Creek for Zik, le fameux Creek, comme tout le monde se rappelle peut-être, donc c'est ce qu'il y avait dans nos véhicules qui nous permettait de, on avait une roue à changer, ouais. De lever le véhicule. Bah là en fait c'est le petit symbole qui veut dire qu'en fait l'asso elle est là pour aider, d'accord, et soutenir des groupes de musique, pas qu'un. Hein, il y a bon pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup Prisma. Mais demain, ça pourra peut-être être un autre groupe, je sais pas, qui commence par un S et qui finit par un R, par exemple. Mais je peux pas le dire parce que, en fait, il y a un super pote là qui nous a rejoint, qui s'appelle Le Squall. Pascal. Ah oui, je connais. Voilà, ex Broken Arms, ex beaucoup de choses, beaucoup de groupes. Et donc, voilà, ce jour, c'est Prisma qui a la priorité, bien évidemment. Mais demain, il y aura sans doute d'autres groupes. Donc, le CRIC, bah, voilà, c'est mettre à disposition cet asso grâce à du matériel que j'ai mis à disposition dans l'asso, permettant de faire des répétitions de qualité dans le studio, de faire des captations de son, mixage. On va s'arrêter là parce que après le mastering, comme je te l'ai dit, voilà, il faut être professionnel, il faut avoir du matériel, il faut s'y connaître. Ce n'est pas mon métier. Mmh. Et, bah, déjà, le mixage, c'est tout un métier. Parce que déjà, on va peut-être expliquer aux gens qui ne savent pas comment on enregistre de la musique, c'est qu'on enregistre souvent piste par piste. Donc, pour chaque instrument, on enregistre avec un micro différent et on enregistre une piste. Alors, les pistes, une fois enregistrées, ben, il faut les nettoyer, il faut les retravailler un petit peu piste par piste, créer, faire le mélange. Et pour qu'un mixage soit réussi, il faut faire attention à certaines fréquences. Parce que si on a toutes les pistes avec la même fréquence, ça va être un brouhaha, on va rien entendre. Donc il faut que ce soit clair. Il y a tout un travail déjà au niveau du mixage. C'est quelque chose de dingue, quoi. Bah, c'est du temps, c'est beaucoup beaucoup de temps, mais quand on aime, on compte pas. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, faut qu'on aime aussi l'artiste. Hein. C'est pour ça que si tu veux le mot d'ordre de l'asso, bien évidemment, on parle des groupes locaux en priorité. Hein, d'accord, ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un studio tranquillement pour répéter, d'avoir un endroit pour s'enregistrer dans de bonnes conditions sans regarder la montre toutes les deux minutes en se disant putain ça va nous coûter 1000 balles. Et donc effectivement, moi ça me dérange pas d'être derrière les manettes avec mes petites connaissances, voilà, ça me dérange pas, mais encore faut-il que j'aime la musique que je capte. Il est évident que voilà, il y a des styles comme le rap. Il n'y aura jamais de rappeur qui viendra dans le studio, même dans 10 ans, même dans 20 ans, voilà. Ni non plus de l'autre côté, tout ce qui est trop métal, parce que voilà, j'ai 54 ans et voilà, j'ai non. Oui, ton style à toi, et puis bon, t'aimes bien. Il y a la musique que tu comprends, celle dont tu as la culture, parce que c'est vrai que même le rap et tout ça, c'est quelque chose. Quand on a la culture, il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Ils font des beatmasters, des gens qui font. Oui. Et voilà, mais c'est quelque chose de différent. Quelqu'un qui est spécialisé dans le rock, toi, t'es né avec le rock, c'est ta génération. Et donc tu n'es pas spécialiste, à la limite un rappeur qui va te demander, tu vas pas savoir le faire bien. Tu vas pas savoir le faire. Donc. Pas me demander, t'inquiète pas. D'accord. Donc toi c'est le rock and roll et le rock, et puis voilà, c'est. Non, mais voilà, faut pas considérer le studio de Craig Forzy comme un studio professionnel où le gars qui est derrière, il en vit. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Comme c'est une passion, ça bouffe du temps. Hein. J'ai un autre métier, j'ai un métier nourricier. Comme ça bouge du temps, j'ai quand même le droit, c'est pas trop perso, mais j'ai quand même le droit de choisir le style musical que j'ai envie d'entendre derrière moi. Voilà. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage, justement, quand on est un peu indépendant, parce que t'es complètement indépendant, c'est toi qui fais le son que t'as envie de faire, etc. C'est un petit peu comme moi à la radio, hein. Tu sais, sur Radio Arc-en-Ciel, on me laisse carte blanche pour diffuser les morceaux que j'aime, etc. Donc c'est pour moi c'est un plaisir, hein. C'est vraiment les artistes que je diffuse, c'est les artistes que j'apprécie, hein. Et donc le fait de les diffuser et puis de les rencontrer, tout ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je me donne ce choix là, c'est-à-dire qu'il y en a certains que j'aime moins. Bon, je vais pas leur dire que j'aime pas, parce que mais c'est pas mon truc, donc à la limite je vais mettre en valeur ce que j'aime. Voilà, première chose. Et personne ne m'impose quoi que ce soit. Donc on a cette chance, on n'est pas une radio commerciale, on est une radio associative et Radio Arc-en-Ciel me fait confiance déjà depuis bientôt 13 ans, et donc c'est moi qui fais le choix dans mon émission, voilà, comme d'autres le font aussi dans la leur, hein. Il y a plusieurs émissions différentes avec des styles différents, et donc c'est vrai qu'on a cet avantage là étant indépendant, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et ça c'est vraiment quelque chose de super, quoi. On n'a pas d'obligation, on n'a pas d'obligation, quelqu'un au-dessus nous qui nous dit faut faire ci, faut faire ça, voilà. Donc CRIC, donc le CRIC pour la musique, voilà, Forzy. parce que un petit peu de connotation anglo-saxonne, ça fait du bien. Et donc, il y a aussi l'autre volet qui est très important et qui va faire le lien avec notre ce qu'on a à dire après pour l'événement. Mmh, l'événement. Toute la partie. Et effectivement, production live. Puisque également donc j'ai investi dans du matériel que je mets à disposition à l'association, pour l'association, pardon, matériel son, matériel lumière, d'accord. Bon, évidemment, hein, c'est pas pour faire un zénith, hein. C'est pour couvrir, en fait, pour être en totale autonomie, pour ce que l'on fait tiens pour aujourd'hui, par exemple, pour demain. Ok, je vais pas aller chercher une boîte de prod, ni une boîte de location de matériel. Ouais, vous êtes parfaitement autonome là-dessus. Vous avez votre matos, c'est celui que vous connaissez et tout ça, donc ça avantage beaucoup, quoi. Voilà. Mmh. Et donc on n'a pas, si tu veux, le matériel, ça y est, il a déjà été investi. On n'a pas la notion de entre guillemets de rentabilité d'être obligé de rembourser la location du matériel. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout voilà. À fait, oui. Donc alors évidemment on est une asso 1901, hein, donc on va pas tricher vis-à-vis de la loi, surtout qu'on se fait taper sur les doigts rapidement. Et on a un devoir faut pas qu'on se plante. Non plus, parce que faut pas que ça soit tout le temps des fonds perdus et qu'on soit en permanence en négatif, parce que la banque va pas nous suivre. Oui, donc oui, au bout d'un moment, c'est pas possible de continuer comme ça. Qu'on perde de l'argent sur un événement, ça peut arriver, mais si ça le fait à chaque fois, c'est pas possible, ouais, c'est clair. Pas tout le temps. Mmh. Puis en plus, c'est décevant parce que une association sans bénévoles ne peut pas vivre, c'est pas possible. Et un des plus grands remerciements des bénévoles, puisqu'ils ne touchent pas d'argent, c'est des bénévoles. Oui, tout à fait. De voir la satisfaction du public quand ils sortent d'une salle sur un événement que tu as produit, enfin que tu as conçu, avec la sueur qu'ils ont donnée, c'est une big satisfaction par rapport à ça. Donc c'est pour ça que la première édition, elle a été bien, mais on aurait aimé un peu plus. C'est pour ça que cette année là on a tout mis, tout ce qu'on pouvait mettre, notamment au niveau de la communication, hein, ça s'est vu un petit peu sur les réseaux sociaux, je sais pas si t'as suivi. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu vous êtes passé dans beaucoup de radios, vous êtes passé dans beaucoup dans les journaux, voilà, chercher la République du Centre, donc c'est important aussi. Les affiches. Les affiches aussi qu'on voit c'est les arrêts de bus ou non, c'est des affiches comme ça. Donc j'ai vu les photos, vous avez partagé tout ça. Et puis même la mairie aussi qui affichait sur leurs panneaux d'affichage, parce que il y a des panneaux d'affichage et j'ai vu aussi apparaître justement votre événement. Donc c'est bien au niveau communication. Pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été la dernière fois avec le Creekfest numéro 1? C'est que, vous l'avez réussi, tout le monde m'a dit du bien. Par contre, il n'y avait peut-être pas assez de monde, voilà. C'est ça? Je veux pas dire qu'on n'était pas content, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi j'ai entendu les retours, j'ai pas pu y assister malheureusement, mais j'ai entendu tous les retours en me disant que c'était un truc réussi, que vous avez fait quelque chose de super bien et tout ça. Donc, Mais si tu veux, comme je vous expliquais, le remerciement ultime des bénévoles, notamment, et de l'investissement qu'ils ont fourni pour faire fonctionner le festival, c'est d'avoir une salle blindée. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Je parle pas forcément argent, je parle, c'est une grande satisfaction, c'est un plaisir. Mmh. Voilà, quand t'as une salle blindée. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été? Alors, faut se rappeler quand même qu'on était encore sous le régime du pass sanitaire, hein, quand même. Ah oui, voilà. Voilà, déjà et d'une, qui a peut-être freiné pas mal de gens, c'est possible. Oui, je pense. La deuxième, c'était notre première édition. Et tout le monde sait que, il y a des gens qui statent avant d'aller sur une première édition en se disant, bon, on va laisser passer la première, on va attendre les retours. Pardon. On va attendre les retours et puis on ira à la deuxième. Donc c'est pour ça que effectivement là on a tout misé sur la communication pour que tout le monde sache que c'est la deuxième Et en plus de ça, on s'est saigné. Hein. Je te cache pas que ça nous coûte un peu. On a un tout petit peu changé une donnée qui est... Là, ça sera pas purement groupe local. Mmh. Puisque sur les trois groupes, il y en a un qui vient de... Bah, c'est un groupe à réputation nationale hein, qui a déjà fait des tournées en France et à l'étranger. Ouais, le chanteur a fait The Voice au Québec. Enfin bon, voilà, il y a du... C'est un haut level quand même. Et donc, en se disant, bah, déjà, on se fait plaisir parce qu'on a tous kiffé ce groupe en l'écoutant. Et de deux, peut-être que grâce à ce groupe-là, on va atteindre... déjà, on va faire connaître ce groupe-là à du public sur Orléans et tout autour. Et puis, comme ils ont une fanbase assez importante, ça nous permettra peut-être de remplir un peu plus. Très bien. Ouais. Mmh. Donc, ce groupe-là, tu peux le citer, hein, c'est le groupe Earthline, c'est Earthline. Ça Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un groupe de quelle région, ça? Bah, le fondateur, le leader, enfin, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Oui, je vois que t'as du malin. Il faut pas que t'attrapes froid pour demain. Hein. Bah, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait. Le leader est breton. D'accord, ok. Voilà. Mais il joue pas du tout de musique traditionnelle bretonne. Non, mais après, je dis ça comme ça, parce que je sais que c'est un groupe qui n'est pas de la région, mais donc j'ai essayé de savoir un peu de quelle région ils étaient. Donc voilà, le leader, et puis après, les autres membres, ils gravitent un peu tout autour de la Bretagne. Je crois qu'il y en a un qui est de Paris, région parisienne. D'accord. Très donc, bien, le groupe donc, voilà. Earthline, voilà. Earthline. Tu peux me rappeler quel groupe ont participé au premier Creekfest? Bien sûr. Donc, il y avait Dark Revenges avec notre ami Pat. Pat, ouais. Donc, c'est eux qui ont ouvert le festival. Après, il y avait notre pote ici présent avec son groupe Broken Arms. Ouais, Broken Arms, très bien. Et Broken Arms, voilà. Avec deux K et avec un S à la fin. Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce que si on, je sais que moi, la première fois que j'ai cherché avec un seul K, je trouvais pas. Et après, il y a deux K, oui. Il y a deux K, voilà. Et puis il y avait en tête d'affiche Prisma, parce que pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Oui, voilà. Donc effectivement, oui, ça s'était très très bien passé. Et puis voilà, la nouveauté là cette année, donc on a un groupe. D'un niveau national qui nous fera la tête d'affiche du festival. Donc voilà. Le groupe Earthline, il y aura le groupe Prisma, bien entendu. Et le troisième groupe, c'est un groupe que j'ai déjà reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui s'appelle Warm Up. Ça fait un moment. Est-ce que les membres du groupe ont changé depuis? Tu les connais Écoute... Il me semble qu'il y a eu du changement par rapport à la fois où ils étaient venus ici dans les studios. Il y a le bassiste qui s'appelle Fred, comme dans Prisma d'ailleurs. Les bassistes s'appellent tous Fred maintenant. Ouais, maintenant, ouais, c'est comme ça. T'es bassiste, tu t'appelles Fred, tu seras bassiste. je sais plus. On est bassiste. Ouais, mais il avait un bonnet. et lui, il est arrivé il y a 5 ans. D'accord. Et par contre, le groupe Warm Up, de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il a au moins une quinzaine. Oui, c'est un groupe déjà qui tourne depuis pas mal de temps, hein, et voilà. Ça, je le sais bien. Ouais. Il y a Michel, il y a Marc, il y a donc Fred à la basse, il y a Carlo à la batterie, et il y a Gilles. Eux aussi, ils ont un Gilles. Ah, ils ont aussi un Gilles. Très bien. Pas au clavier, il y a une deuxième guitare. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, les trois formations, ils tournent à 5. Voilà. D'accord, donc voilà, 3 fois 5, 15. 15 artistes. C'est ce qu'on a commandé comme pizza. Ouais. D'accord. Donc voilà, alors demain, il y aura trois groupes. Alors le concert, il commence à quelle heure? Alors, moi je préfère dire ouverture des portes 19h. Oui, parce qu'on sait très bien, parce que dans un concert, on attend un peu qu'il y ait le monde aussi. Alors des fois, on dit une heure, et puis on s'aperçoit que les gens, ils aiment bien se faire attendre un petit peu. Donc des fois, ça commence un peu plus tard. C'est assez rare qu'on aille dans un concert... Et que ça démarre pile poil à l'heure que c'est programmé. C'est pour ça qu'on préfère dire ouverture des portes 19h, comme sur d'autres concerts. Quand tu vas voir un artiste célèbre et reconnu, tu vas au Zénith. L'heure qui est affichée, c'est l'heure d'ouverture des portes. C'est pas l'heure où commence réellement l'artiste. Hein. Mmh. Bon, ça peut pas Guns N' Roses non plus avec une heure et demie de retard. Hein, ou Madonna. Oui, voilà. Il y en a des fois, ils exagèrent un petit peu. Mais, voilà. Mais bon, moi j'ai vu aussi des fois des concerts où justement le concert commence impérativement à cette heure-là parce qu'il y a des raisons, parce que peut-être il y a plusieurs groupes, ils ont un impératif de temps. Et là, oui. Des fois, ils le mentionnent. Ils disent attention, le concert va commencer vraiment à cette heure-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Et après, voilà, le running a été établi. On sait. Les trois groupes, ils savent combien de temps de jeu ils ont. On sait combien de temps on va mettre à faire les interplateaux. Mmh. Et il y a un truc hyper important, c'est aussi faire connaître, en plus de la musique, tout ce qui est autour de la musique. C'est-à-dire que, encore une fois, cette année, il y aura une boutique de fringues, bijoux, type rock hard. Mmh, d'accord. Donc, des exposants qui seront là et qui pourront proposer leurs marchandises. Voilà. C'est ça, exactement. Donc ça, et cette année, il y aura une boutique de tatou éphémère. D'accord. C'est intéressant comme discipline. D'accord. Donc c'est un tatou qui, tu fais un tatouage et ça disparaît après avec le temps. Non, moi j'aime bien dire, c'est un medley entre le vrai tatouage à l'encre qui est définitif et immémorable, et surtout le décalcomanie que t'avais dans les Malabar. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Quand on était enfant, ouais. C'est à mi-chemin entre les deux, voilà. Bon, apparemment... Voilà, on l'a perdu. Désolé. Allô, oui, c'est toujours vivant, toujours vivant. C'est bon. Oui, ce tatou éphémère, il a une durée de vie quand même apparemment d'une semaine. Mmh. Donc voilà. Ça permet de pas regretter, parce qu'un tatouage, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose voilà qu'on doit aimer, et quand on en fait un, on sait que c'est pour la vie. Donc il y en a beaucoup qui malheureusement regrettent, et puis après pour les faire effacer, pour les faire masquer par d'autres, etc., c'est un peu compliqué. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, mais bon, il y a des gens qui le portent très bien, et que je sais que toi-même tu en as. Oui, bah oui. Alors, j'aurais pas dû mettre Brigitte Forever, mais bon. D'accord. Je blague. Donc voilà, par rapport à Creek for Zik, de l'événement, de l'enregistrement, du soutien. Il y a par exemple, j'ai pas mal de potes sur tour. Et d'ailleurs, grâce à toi, des gens comme Neutol et compagnie. Ah oui, oui. Un groupe que j'ai beaucoup apprécié. Hein. Franchement, Neutol, voilà. J'aime bien ce qu'ils font. Hein. Ils m'ont appelé parce que ils cherchaient un plan pour jouer à tel ou tel endroit, et quand on s'échange des contacts de salles, de gens qui organisent des concerts, et ben voilà, c'est un échange de bons procédés. Et ben l'asso est là pour ça aussi. Mmh, très bien, voilà. Ouais, la partie booking, voilà. Donc voilà pour Creek for Zik, et puis j'ai fait le tour. Ouais, en tout cas, il y a pas mal de choses. Donc, alors moi, tout à l'heure, j'écoutais vos morceaux, et voilà, les morceaux que j'ai l'habitude d'écouter à la radio, que j'écoute aussi chez moi. Et là, je me dis, demain, ça va être en concert, sur la scène. Donc je vous imaginais déjà sur la scène. Je dis, ça va être quelque chose de grandiose, parce que bon, c'est bien d'écouter de la musique chez soi, dans sa voiture, dans son téléphone à défaut quand on n'a vraiment pas d'autres possibilités. Mais il faut aller au concert, parce que le concert, là, c'est une dimension encore plus. Les musiciens jouent en vrai devant vous, donc il y a une interaction entre le public et les musiciens. Plus on les applaudit, plus on les encourage, et plus ils veulent en donner. Donc c'est quelque chose de formidable. Donc demain, il faut surtout pas hésiter à aller au concert pour voir donc les trois groupes Earthline, Warm Up et le groupe Prisma. Donc au Creek Fest. C'est ça, exactement. Alors ça se passe. On va à Cléry-Saint-André, hein. Donc Cléry-Saint-André, comment on pourrait. C'est au sud de la Loire, au sud de Main-sur-Loire, c'est ça, hein. Au sud de Main-sur-Loire. Voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu, voilà. Sinon, c'est la route pour aller à Chambord, par exemple. Oui, par exemple. C'est entre Orléans et Blois. C'est à 20 minutes à peu près d'Orléans, sud. Vous risquez pas de louper l'événement, puisqu'il y a des affiches partout. Il y aura des petites flèches, des petites fléchettes indicatives pour avec marqué festival, concert. Donc voilà, il y a un grand parking qui sera surveillé. Et puis, et bien évidemment, très important, il y a une buvette. Et il y a de la restauration, donc sous forme de sandwich. Donc les gens, ils n'ont pas besoin d'amener quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de manger avant, et ils y vont, et puis ils y vont, quoi. Voilà. Exactement. d'où l'ouverture d'ailleurs aussi à 19h, c'est l'heure de l'apéro. Il y a de la très bonne bière qui sera bien fraîche, et puis et des sandwichs avec des produits locaux, quasiment. Très bien. Il y a que le cochon qu'on n'a pas réussi à choper, mais même le... dans la Loire, pourtant, c'est pas très loin. Pardon. Excuse-moi. comment dire Des produits locaux. Très bien. Ok. Je propose qu'on écoute encore un morceau. On va écouter le fameux morceau « Tell Me Why ». Voilà, qui sort de console brute de décoffrage, ouais. D'accord, on l'écoute. Démo pour l'instant. Et après, on se retrouve juste après pour parler un petit peu des autres groupes, et puis aussi, on a des morceaux à diffuser. Et puis, ouais. Tu nous parleras aussi de ce qui a été fait, parce que là, vous êtes sur place, c'est pour ça que vous n'avez pas pu vous déplacer au studio, c'est que vous êtes déjà sur place, parce que vous êtes en train de bosser déjà. Vous avez déjà une bonne journée dans les pattes, quoi. C'est ça, et puis d'ailleurs, là, on va nous attendre dans 10 minutes. Si tu veux bien, ouais, juste après Tell Me qu'on enchaîne donc sur l'événement, et puis ouais, sans problème. Ok. Donc on diffuse le morceau, on se retrouve, et puis après on fera la conclusion si tu veux, parce que après vous avez encore du boulot. Et en attendant, donc on peut rappeler demain soir à partir de 19h à Cléry-Saint-André dans la salle qui s'appelle. Espace Loire, donc c'est facile à se souvenir. Il y aura donc le Creek Fest avec trois groupes. Il y aura le groupe Earthline, le groupe Warm Up et le groupe Prisma. Voilà. Prisma, exactement. On ça écoute marche. Tout de suite Tell Me Why du groupe Prisma. Voilà, première diffusion dans l'émission Mavrika du nouveau morceau de Prisma, Tell Me Why. Donc, j'ai écouté le son, je sais pas ce que t'en penses, toi, Pascal. Très, très, très propre. Le son est super, ouais. Super bien. Franchement, il est pas passé encore au mastering, mais déjà là, tu as bien travaillé, en tout cas. Vous avez bien travaillé. Franchement, le son, il envoie bien. Et là, je me vois déjà demain devant la scène en train de ça va envoyer. Ça va envoyer. Ça va envoyer grave. Très bien. Bravo, en tout cas, pour ce morceau. Moi, j'avais déjà écouté chez moi, puisque tu m'as transféré les fichiers dernièrement. Mais là, je le réécoutais à la radio. Et toujours autant de plaisir à l'écouter, en tout cas. Le morceau Tell Me Why. Voilà. Merci beaucoup. Ça marche. D'autres choses qu'on n'aurait pas abordées encore, parce que je sais qu'après, tu as encore du travail. En plus, je crois que vous avez mangé sur le pouce au même temps que vous faisiez l'interview. Là, en fait, c'est la petite technique qui nous attend depuis un quart d'heure, à peu près. D'accord. Donc, Oui, parce que tout est au petit timing, et puis voilà. Écoute, non, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, voilà, Creekfest, deuxième édition, d'accord, à Cléry-Saint-André, salle espace-loire, on peut pas le louper, c'est à côté du stade. Très bien. D'accord. Ouais, Louis XI est pas loin aussi. Louis XI, ouais, mais tu pourras pas le déranger. Il dort. Non, d'accord. Il dort depuis 500 ans. Non, hein, effectivement, Louis XI est enterré à Cléry-Saint-André, hein, pour l'histoire, hein, pour ceux qui sont un petit peu. Dans la basilique. Dans la basilique, ouais. Alors, les préventes qui avaient lieu avant ont été clôturées hier soir. D'accord. Il y en a. Je m'attendais à un peu plus, mais il y en a. C'est bien. C'est pas mal pour une première fois de prévente. Donc là, maintenant, c'est tarif unique à 15 euros demain. Ouverture des portes 19h. Donc, je rappelle, il y aura donc buvette. À boire et à manger, voilà. Du boire, du manger, de quoi se régaler les yeux avec donc la boutique de fringues et de bijoux, d'accord. Les tatous éphémères, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et donc les trois groupes, voilà, il y aura donc warm-up, un groupe local puisqu'ils nous viennent de Main-sur-Loire. Ce qu'on va faire, moi j'ai déjà calé un morceau de warm-up et de Earthline, comme ça on va continuer, hein, même si vous, après vous êtes occupé à faire autre chose. Nous on va continuer à parler de cet événement et à diffuser les morceaux que tu m'as envoyés. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Et donc après, Prisma, hein, que vous connaissez maintenant, de Cléry-Saint-André, et donc Earthline, qui nous viennent... Bretagne. De Bretagne. Vous avez bien entendu là, hein, Bretagne. Bretagne. Il est en train de nous faire des crêpes, Fred. D'accord. Voilà. Tout pour passer une super bonne soirée. Tout à l'heure, l'ingé son a déjà fait péter un peu le matériel. Je pense que ça va bien sonner. Ils sont en train de finir le. Parce qu'on aime être en avance, en fait. C'est bien quand tout est préparé, c'est bien. Après, il y a toujours des trucs, des fois, qui se passent jamais comme on a prévu. Il faut pouvoir faire face à ça. Donc, mais si rien n'est prévu, alors là, ça peut pas aller. Il y a toujours des décalages. Donc là, ça sent très très bon. On va attendre que le groupe Earthline arrive, hein, parce qu'ils ont quand même de la route, en espérant qu'ils trouvent de l'essence. Après, c'est leur problème pour repartir, mais. Qu'ils arrivent. On va les garder, hein. Voilà. Au moins qu'ils arrivent ici. Et puis, voilà. On espère, voilà, ça serait notre récompense, majeure, c'est que, qu'on arrive à blinder la salle, je dirais qu'il y a une bonne centaine encore de places de disponibles. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu réserver, au moins ils peuvent se dire on va aller là-haut, il risque d'y avoir encore des places pour nous. Voilà, et comme on était obligé de prévoir les quantités par rapport aux préventes, par rapport aux gens dont on savait qu'ils allaient venir, je dirais que pour tout ce qui est sandwich et tout ça, premier arrivé, premier servi. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'autres mots. Donc en tout cas, merci beaucoup Albino, merci à la Mavrika Family. Ouais, avec Pascal qui est là ce soir. Je sais qu'on... Et puis Pascal, de Swing Camille. Oui. J'adore ce nom. ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfants. Et comment dire? Attends, t'as un truc à dire Fred? Fred il veut parler. Je vais lui laisser la parole. Salut Albino. Salut Fred, tu vas bien? Ouais. Ouais, ça va, très bien. Ouais, je voulais te dire, je sais pas si on en a parlé, mais donc il y a un concert demain soir à partir de 19h à l'Espace Noir. Ah bon? Avec le warm-up, offline, et puis un petit groupe qui s'appelle Prisma. Voilà, je voulais pas que c'est un oubli. On sait jamais. Il vaut mieux le répéter plusieurs fois parce qu'effectivement, un événement comme ça. Comment? Tu viens demain? Je sais pas, je vais réfléchir. Mais bien sûr que bien sûr qu'on sera là. Voilà. Et j'ai pas pu assister. Je me souviens plus pour quelle raison. J'avais une bonne raison. Pour pas que j'aille au concert, c'est que j'ai une bonne raison. J'avais pas pu y aller au premier Creek Fest. Mais cette fois-ci, non, c'est réservé. Et puis, vous pouvez compter sur moi. Je serai là pour vous applaudir. On se voit demain. J'ai une petite question par contre. Rock AOR, ça veut dire quoi? Ah oui, très bien. Question, Pascal. J'en prie. Eh bien, écoute, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai expliqué par rapport au Rock FM. En fait, moi, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'ai fait un voyage aux US. Et t'as des chaînes spécialisées qui passent que de la musique AOR. Alors, AOR, c'est encore plus que. Enfin, plus. C'est du rock qui est prévu et moulé pour des passages radio. D'accord. Mmh. Voilà, donc d'ailleurs le R doit être radio. Doit être synonyme de radio. Je vous invite à aller sur Wikipédia sans faire de pub pour eux. Mais on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps. D'accord, c'est vrai qu'on se posait la question tout à l'heure avec Pascal. Ouais, voilà. Et c'est purement américain, hein, AOR. Hein. Et moi, franchement, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas, t'as quel âge? Alors, Albino, je sais, mais Pascal. Oh, bah, à peu près 53. Ouais, bah, pile poil comme moi, impeccable. Ah bon? T'as connu des gens comme Michael Bolton, Journey. Oui. Ouais. Et bah, voilà. C'est de l'AOR. D'accord. Ok, bah, comme ça nous resitue un petit peu. Voilà. Bon, moi, je suis beaucoup plus vieux, donc forcément, j'ai connu aussi. Je t'ai pas posé la question, Albino. Je connais ton âge. Album oriented rock. Oriented rock. Rock. Ah, on pensait que c'était radio, mais c'est le rock. Non, rock. Voilà. Bah, moi aussi, oui. Je pensais que l'air était radio, mais donc voilà. Donc effectivement, Earthline, c'est vraiment rock AOR. Mm. Voilà. Ok. Voilà. Mais donc... franchement, vous allez, je pense que vous allez kiffer. Voilà, il y a plein de gens qui sauront ce que c'est que de l'AOR et ils l'auront écouté, au moins. Très bien. Dans leur vie. Bah, je vais quand même vous laisser aller rejoindre les techniciens parce que là, ils commencent à s'impatienter, ils vont s'arracher les cheveux, ils vont dire, dis donc, on va être à la bourre à cause de vous, à cause de Radio Arc-en-Ciel, à cause de Mavrika. Une dernière question, juste avant de vous quitter. Le rock'n'roll est mort, c'est ça, hein? Ah non. Non, le rock est vivant et demain, ça sera vraiment l'occasion de montrer que le rock est toujours là. Exactement, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, merci pour cette intervention dans l'émission Mavrika. Vous n'avez pas pu venir dans les studios parce que vous êtes overclocké ce soir. Overbooké. On va dormir sur place et tout, donc c'était pas possible. Et donc, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Et puis, je pense qu'on va retrouver déjà une bonne ambiance, un bon spectacle, des bonnes lumières. Tout ce qu'il faut. Et en plus, on va retrouver plein de gens passionnés. Parce que dans la région orléanaise, c'est vrai que quand on va au concert, on rencontre souvent les mêmes personnes. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver à écouter de la bonne musique et puis passer des bons moments ensemble. Ça marche. Ok, merci beaucoup en tout cas, Mavrika, et puis à toi, Albino. Écoute, une poignée de main, Pascal. Pas de problème, on se voit demain. On se voit demain. Super. Ça se fera avec plaisir. Pas de soucis. Allez, bonne soirée à vous et puis reposez-vous bien pour être en pleine forme demain. Ça marche, merci. Allez, salut, merci. Ciao. Bye bye. Voilà, donc l'intervention de groupe Prisma, donc ils étaient plusieurs, on a eu l'intervention de Fred, de notre ami Chris, et tout à l'heure il y avait Benoît aussi qui écoutait, ils étaient plusieurs. Bon là ils sont pleins de travail, hein, parce qu'il y a toute une organisation, et je sais que c'est beaucoup de stress. Hein, c'est un sacré boulot, et après finalement là maintenant ils vont avoir le résultat de leur travail. Et donc c'est très stressant, parce que même si l'événement est réussi, si le monde n'est pas présent, c'est quelque quelque chose. Ouais, c'est toujours un peu. C'est un peu. Bon, l'important, c'est déjà de réussir l'événement, et ça, je suis sûr, on leur fait confiance. Ça va super bien se passer, et j'espère que les gens seront présents justement pour cet événement, le Cricfest numéro 2 à Cléry, Saint-André, Espace Loire. Voilà, on a tout retenu, hein, tout à partir de 19h. 19h, ouverture des portes. Et bah, justement, on va écouter peut-être les autres groupes, hein, parce que. Ouais, tu nous as préparé quoi, Warm Up? Warm Up, tiens. J'ai vu que les morceaux sont en français, Warm Up. Ah, et après, on écoutera Earthline aussi avec des morceaux qui sont en anglais cette fois-ci. De la musique AOR. La musique AOR. Donc, on va commencer par le morceau de Warm Up qui s'appelle Déclic. Et des claques. On pourrait dire ça comme ça. Demain, on va peut-être se prendre une claque, oui, ça c'est sûr. J'espère. On écoute tout de suite Warm Up avec le titre Déclic. Je suis Voilà, donc le premier morceau de warm-up, hein, un morceau qui s'appelle le déclic. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Pascal ? Ça envoie bien. Ça envoie bien. Donc demain, il y aura trois groupes. Et c'est en français. Ouais, et c'est en français. On aime bien. C'est vrai que dans l'émission Mavrica, on n'a pas besoin de se forcer. Il y a certaines radios où ils disent voilà, on est obligé de respecter un quota, de diffuser tant d'artistes qui chantent en français et tout ça. Nous, on s'impose rien du tout. Non. On y est largement parce qu'on diffuse déjà la plupart des artistes sont des artistes français. La plupart aussi chantent en anglais, donc en français et en anglais. Donc on n'a pas besoin de se forcer à respecter un quota. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, du rock qui envoie bien comme ça. Le groupe Warm Up, et je propose qu'on écoute un deuxième morceau peut-être. Parce que là j'ai calé un morceau qui s'appelle Soleil Noir, et après on écoutera aussi deux morceaux du groupe Earthline, le groupe qu'on retrouvera demain en fin de soirée, hein, parce que ça sera dans l'ordre, ça sera Warm Up, ça sera Prisma et Earthline. Voilà, très bien. Donc on écoute un deuxième morceau de Warm Up et qui s'appelle Soleil Noir. Parlera de Écoutez deux morceaux du groupe Warm Up avec d'abord Déclic et ensuite Soleil Noir. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau du groupe Earthline qui sera en concert donc avec Warm Up et Prisma demain à Cléry-Saint-André, à la salle Espace Loire. Et donc il y aura trois groupes et c'est organisé par l'association Cric Fest. Cric for Zic, voilà. C'est le Cric Fest, effectivement, mais c'est organisé par l'association Cric for Zic. Voilà, on a tout dit comme ça, on n'a rien oublié. En tout cas, moi, ce son-là, c'est un morceau que je connaissais pas, mais ce son-là, c'était vraiment le son des années 80. Ah, quoi. Bah, j'étais en train d'y penser. C'est vraiment le truc qu'on écoutait quand on avait, quoi, pour moi, 10-15 ans. Ah ouais, ouais, ouais, très bon. Belle voix, bien dans les aigus, bien dans le style hard rock années 80, FM. Ah ouais, ouais bien, ouais. Bien. Et c'est vrai que, bon, il y a des styles où la voix n'a pas autant d'importance, mais là, franchement, il y a des chanteurs. Là, on a vu les trois chanteurs dans les trois groupes. À chaque fois, c'est quand même des gens qui ont du coffre, qui ont une voix comme il faut. C'est pas la portée de tout le monde, hein. Oui, effectivement, c'est hérité un petit peu des chanteurs comme Led Zeppelin, je pense à d'autres noms, Deep Purple, etc., avec ses voix très aériennes. Mmh. On a cité tout à l'heure Scorpion aussi, qui avait une voix, voilà, de tous ces groupes-là qui chantaient avec une voix très mélodique sur de la musique qui envoie du lourd. Ben voilà, demain, ça sera l'occasion. Donc j'écoutais quand j'étais ch'tio, Sortilège, je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me dit quelque chose, mais Sortilège, bon, je sais pas vraiment. Satan Joker, ouais, effectivement, ouais. Voilà, donc Océan aussi. Océan qui a fait un retour il y a pas très longtemps. Il m'avait envoyé leur album, je l'avais reçu. Un tsunami. Comment? Un tsunami, je me souviens plus. Océan qui fait un retour. D'accord. Ouais, bon, elle était pourrie. Pardon, autant pour moi, je refais pas. Et moi, j'ai rien compris en plus. Voilà, c'est un tsunami. Oui, effectivement, quand il se retire, derrière, on sait que derrière, quand ça vient, ça va tout dévaster. Et donc, le groupe Océan, un groupe, voilà, aussi, qui a marqué toute son époque et qui est revenu il y a quelques temps, mais je sais pas s'ils refont des tournées, etc. Mais bon, en attendant, il y a 2-3 ans, ils avaient sorti un album, oui. Mmh. Voilà. Très bien, donc voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs. Je voulais aussi remercier tous les gens qui écoutent Radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, hein, vous savez que c'est un peu le lien que nous avons pendant l'émission, c'est là où vous pouvez nous mettre des petits j'aime, donc il y a plein de gens qui ont mis des petits j'aime, des petits messages, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez et que vous nous encouragez à diffuser de la bonne musique. Voilà, en plus nous on est en circuit court, hein, c'est souvent des artistes, et voilà, c'est un peu la mode en ce moment, donc on va chercher les artistes là où ils sont, et on en a des très bons juste à côté de chez nous. Alors pourquoi se priver, sachant qu'on va quand même chercher des bons groupes comme Earthline, hein, un groupe qui vient de Bretagne. Donc voilà, tous ceux qui veulent venir, ils viennent. Mais on a des bons artistes dans la région et on les diffuse avec beaucoup de plaisir en tout cas. Enfin, remercier aussi notre ami Florent, voilà, qui m'a envoyé un petit message parce que c'est lui qui fait les podcasts de l'émission Mavrika, c'est lui qui fait les podcasts de toutes les émissions qui sont faites dans les studios. Vous savez que Radio Arc-en-Ciel diffuse des retransmet la radio du Portugal aussi. Il y a aussi des émissions qui sont faites ici sur place, hein, avec des animateurs qui sont là en chair en os dans les studios et ils amènent leur son, ils le partagent avec beaucoup de plaisir, hein. Ce sont tous des bénévoles et il y a notre ami Florent qui lui enregistre ça de chez lui et qui les coupe, hein, qui fait des montages et puis qui après les met sur un site et le lien est partagé régulièrement dans l'émission Mavrika. Mais après il faut savoir que ça existe pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Donc vous pouvez réécouter les émissions que vous avez loupées. Et c'est notre ami Florent, donc on voulait encore une fois le remercier. Et voilà, il fait partie un petit peu de l'équipe de la Mavrika Family. Voilà, on est content. On va dire aussi... Le temps passe très très vite, hein. Oui. T'as vu oui. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de... déjà, Christophe nous a bien présenté son sujet, projet. Hein, donc le projet, l'association, le groupe, voilà, tout ça c'est un passionné de musique, hein, c'est quelqu'un que je LP bien sûr en sortie avant cet été. Donc voilà, on l'attend. J'ai noté, même c'est bon. Si c'est pas un peu plus tard, c'est pas bien grave. L'important c'est qu'on le sente, hein, parce que des fois, voilà, c'est qu'on le sente. Les aléas de la technologie aussi. Oui, et puis oui, après il peut y avoir aussi. Et puis du temps. Il y a beaucoup de temps et puis faut, je sais pas, même s'il est enregistré, même il faut prendre le temps de le réécouter en disant voilà, est-ce que je retouche encore, est-ce que je laisse, est-ce que, et après je dis bon là c'est définitif, je le présente, ou alors ben non, on va reprendre un truc. Voilà, c'est encore temps, parce que après, une fois qu'il est après distribué, après c'est trop tard, hein. Ah oui, une fois que c'est fini. Donc bah voilà, donc petit commentaire, je suis en train de regarder en même temps, hein, parce que voilà, et ce qui me fait toujours plaisir, c'est que toujours des artistes qui écoutent l'émission Mavrika, hein, on est quand même l'émission la plus écoutée par les artistes, hein, en tout cas ceux qui se manifestent, en tout cas ce sont des gens, soit des artistes ou soit des gens qui suivent aussi les artistes, hein, j'en ai vu pas mal. Donc on vous remercie, hein, de toute façon vous avez toute la semaine, vous pouvez voir le programme et comme ça vous pouvez aussi repérer les groupes que vous aimez, les groupes que vous avez envie de voir en concert, ou alors simplement acheter leur album hein, quand il existe. Et puis, de toute façon, ça vous donne aussi envie de réécouter l'émission suivante, parce que tous les vendredis soirs, on est là pour présenter des morceaux. Voilà, tu veux rajouter quelque chose d'autre, Pascal ? Ah bah pour l'instant, j'ai fait des bonnes découvertes musicales. Mmh. Content. Il est content, Pascal. Il est content. Alors toi, tu aimes le swing, parce que c'est la musique que tu fais. Ouais, j'ai découvert le swing sur le tard, hein, parce que avant j'étais plus rock, hard rock, ouais. Blues. Ouais. Et puis j'ai rencontré Patrick et Marcelin, et ils m'ont fait découvrir le swing manouche. C'est pas du jazz, mais swing manouche. Et c'est vrai que bah maintenant, ouais, j'en écoute beaucoup plus qu'il y a 10 ans, j'en écoutais pas du tout. Voire même, je connaissais à peine le nom de Django Reinhardt, et je pense que j'étais limité à peu près à ça. D'accord. Mais bon, en même temps, tu connaissais le plus grand. Oui. Si c'est pas le plus grand, c'est un des plus grands, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est celui qui a lancé. Dans ce style-là, c'est le nom qui revient tout de suite, c'est le plus connu. Voilà. Mais je parlais tout à l'heure aussi de culture musicale. C'est vrai que toi, à la limite, tu n'aurais pas rencontré Patrick, tu n'aurais pas rencontré Marcelin. Le swing, tu serais peut-être passé à côté. Tu aurais peut-être apprécié, mais sans plus. Ouais, et sûrement, là, finalement, ouais. Tu t'y es intéressé. Pourquoi? Et j'aurais pas rencontré la contrebasse non plus. Voilà, il y a des gens qui t'ont amené ça. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que des fois, on a besoin d'être initié par d'autres personnes. Il y a des choses bon, qu'on écoute depuis toujours, on entend ça à la radio. Bon, on est né dedans, voilà. Mais des fois, il y a d'autres choses à côté qu'on comprend pas tout à fait bien, et avec des gens qui nous expliquent voilà l'histoire et tout ça, bah c'est des choses, c'est culturel hein, finalement. On apprend à apprécier encore plus les choses quand on connaît l'histoire, ça c'est important ça. Très bien. Et puis dans l'émission Mavrica, on raconte beaucoup d'histoires aussi. Oui. des vrais, des moins vrais. Mais bon, souvent, on essaie de respecter quand même l'histoire du rock'n'roll. Et donc, on raconte des petites anecdotes. Et ce qui est bien aussi, c'est que à la fin de chaque émission, on apprend quelque chose. Aussi bien vous, hein, mais moi aussi, hein, j'apprends plein de choses. Hein. Tout à l'heure, on a vu avec les styles de musique, des choses qu'on connaissait pas, les normes du rock FM. Du rock FM, on savait pas du tout. ouais, voilà, on en apprend. Et on a beau connaître pas mal de choses, et ben on apprend toujours des nouvelles choses. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de continuer à connaître, c'est l'univers du groupe Earthline. On va écouter un deuxième morceau. Ah, ouais. Alors c'est le morceau qui fait le plus de bruit en ce moment. J'ai vu qu'il y avait un clip vidéo et tout ça. Ça s'appelle Fire Dance. Et donc, je propose aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel de danser sur le feu. Sans mettre le feu. Non, faites pas ça chez vous. Ça peut être dangereux. Ni chez des amis. avec Pascal, on se regardait. Oui. Là, il y a quand même du niveau. Hein. Là, c'est des super musiciens, en tout cas, des virtuoses, on dirait ça comme ça. Les changements de rythme, le son, l'enregistrement et la voix. Là, franchement, oui. Le groupe Earthline avec Fire Dance. Donc voilà, une très grande découverte dans l'émission Mavrika ce soir. Et donc si vous avez envie d'aller les voir, ils seront dans la région orléanaise, ils seront demain à Cléry-Saint-André avec le groupe Warm Up et le groupe Prisma. Et ça sera à l'espace Loire et c'est à partir de 19h. Voilà, donc c'est bien qu'on parle de cet événement pour les amateurs de rock'n'roll, parce que le rock'n'roll, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est toujours vivant. Hein. Et on est content aussi. C'est vrai que quand on écoute ce style de musique, c'était quand même l'époque des gens qui ont une cinquantaine d'années, mais moi ça me fait toujours plaisir de voir justement qu'il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à cette musique, parce que cette musique là est toujours vivante, et puis il y a des groupes des jeunes qui continuent à faire cette musique là et ça c'est formidable, en tout cas. Voilà, il y a plein de choses différentes, il faut écouter plein de choses différentes, et là ça fait partie des belles choses qu'on peut déguster dans la région orléanaise. Voilà. Très bien. À propos, tout à l'heure, on a parlé de Mavrika. Mavrika, voilà, on parlait de l'événement. On avait parlé aussi de Mavrika, du Mavrika Live. Alors, le Mavrika Live, on va rappeler aussi, c'est le 10 juin. 10 juin. Il y aura plusieurs artistes. Hein. Il n'y en aura pas un, pas deux, pas trois. Il y en aura quatre. Quatre projets différents. Donc, en musicien, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait un petit paquet quand même. Il y aura le groupe Yeti, il y aura le groupe Melody Road, il y aura le groupe Custom. Et en interscène, on aura donc sur une petite scène à côté, pas loin du bar. Donc les gens, pendant qu'il y a les changements de plateau pour les groupes, il y aura notre ami Alexandre Lebaille qui sera là avec un guitariste que tu connais, qui a participé aussi au son des blés, puisque tu connais un petit peu le son des blés. Oui. Et c'était les Heavy Birds. Donc il était déjà venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel et il accompagnera notre ami Alexandre Lebaille ce jour-là, donc dans le Mavrika Live. Donc on a déjà écouté les Yeti tout à l'heure, on a déjà écouté Alexandre Lebaille. Il y en a deux qu'on n'a pas écouté, c'est Custom et Melody Road. Donc, je propose qu'on écoute Custom tout de suite. Allez, Custom. Alors, ceux qui aiment le rock and roll, ils vont apprécier en tout cas. Le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Bad Day et c'est le groupe Custom. Yeah. street. They look in the mirror, but they can't see no face. They don't know who they are. They don't know where to go. They don't know why they be here. They don't know about nothing. I'll keep that great containment because all around that world is behind that party. Donc c'était le groupe Custom, le groupe Custom qui participera au Mavrika Live numéro 12, ça sera le 10 juin à la Chapelle Saint-Émain dans la grande salle de l'espace BRR, ça sera le Mavrika Live numéro 12. Donc la deuxième édition de la première a été annulée à cause du Covid, c'était le 20 avril, donc on avait les affiches, on avait commencé à parler de tout ça et puis on nous a dit bah terminé, tout le monde reste chez soi, on fait plus de concerts, bon bah on a mis ça en stand-by et là maintenant on relance ça, donc il y aura Alex Lebail, il y aura Yeti, il y aura Melody Road et à l'instant donc on vient d'écouter le groupe Custom. Voilà, tu connaissais ce groupe là non? J'ai déjà écouté, bah, je pense, dans tes émissions. Donc, sûrement, oui, je pense aussi. Hein. C'est vrai qu'on aimerait bien les écouter dans d'autres émissions aussi, hein, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure des années 80 où on écoutait du rock, on écoutait plein de choses à la radio. On allumait une radio, il y avait plein de choses différentes. Aujourd'hui, les radios sont un peu spécialisées. Hein. Il y en a où on écoute que du rap, d'autres où on écoute que de la variété, d'autres que des aussi, morceaux c'était, anciens. C'était le début des années des radios libres aussi. Bah oui, c'est ça. 83, c'est ça. Comme mémoire. Oui, je te dirais des bêtises, oui, mais c'était les années 80, oui. Donc, c'était le balbutiement. Ouais, et toi, tu avais fait un petit peu de radio, toi aussi, alors? Oui. À l'époque, c'est vrai que c'était quelque chose de révolutionnaire. Alors, moi, je me souviens qu'on écoutait les grandes ondes, les ondes courtes, les choses comme ça. Les Pau petites et ondes. Ouais, Pogo, OC. Tout d'un coup, il y a eu de la musique sur une nouvelle bande et la musique en stéréo. Donc, c'était quelque chose de formidable parce qu'on avait eu l'habitude d'écouter avec un son un peu de téléphone, quoi. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec un son qui était super propre, qui encore aujourd'hui est une référence. La preuve, c'est qu'on l'utilise encore aujourd'hui dans l'émission Mavrika. Voilà. Donc, Et bientôt, il y aura le DAB+, hein, donc en numérique terrestre, hein, un peu comme la télévision, on est passé en numérique. La radio devrait aussi le faire. Il y a déjà des pays où la transition a été faite déjà depuis pas mal de temps. En France, on est un petit peu en retard, mais en attendant, le son de la FM, ça nous satisfait bien pour l'instant. Et puis, bon, voilà, il va falloir évoluer, hein, ça c'est sûr. En attendant, bah, nous, dans l'émission Mavrika, on reçoit des artistes. La semaine prochaine, on recevra donc le groupe Glazone. La semaine suivante, on recevra les Satis Guy. Et la semaine d'après, donc, pour terminer donc le mois d'avril, on recevra Stéphane Acoustique, donc le projet solo de Stéphane, qui fait partie aussi du groupe Les Ailes au Nord. Voilà. Au mois de mai, bah, y a personne de prévu. Pourquoi ? Parce que justement, nous, dans la radio Arc-en-Ciel, on veut toujours être au top. Donc, on a quand même une belle radio, hein, qui existe depuis plus de 30 ans. Et on continue de la faire évoluer. Donc, on aura un nouveau studio qui va être installé. Donc, adieu la vieille table de mixage avec tous les boutons, là. Mais qui est formidable, hein. C'est grâce à elle, en tout cas, qu'on a fait des superbes émissions ici sur Radio Arc-en-Ciel. Et on aura donc une nouvelle console, un nouveau studio complet, hein. Ça va être vraiment le top. Mais c'est pour ça que j'ai programmé personne pour le mois de mai, hein. Voilà. Tu nous mettras des photos sur la page Facebook. Oui, bah oui. D'ailleurs, il va falloir refotographier ça parce que bientôt, ça va faire partie des souvenirs. Oui, et c'est vrai qu'avant que ça disparaisse. Donc, bon, elle va être conservée. Elle va être mise à côté. Il y a déjà plusieurs consoles. Moi, c'est vrai que depuis qu'on est sur Radio Arc-en-Ciel, j'en ai connu toute une évolution. Et je sais pas si tu te souviens, dans les années 80, on n'avait pas des consoles de radio, on avait des consoles de DJ, parce qu'il y avait à l'époque. Donc, dès qu'on pouvait mélanger, il y avait quelques entrées, on faisait quelque chose avec. On mixait. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les bijoux qu'on peut avoir, il y a tellement de choses à faire aussi avec. Et finalement, des fois, c'est peut-être trop compliqué même. Il y avait tellement de paramètres qu'on n'y touche même pas. Et des fois, quand on a une bonne console, c'est vrai que celle-là, on va peut-être la regretter dans quelques temps, mais après on va s'habituer à la nouvelle. Oui, voilà, oui. Il faut évoluer. Toujours, hein, dès qu'on a un nouvel engin, au début c'est sympa, après c'est la panique parce qu'on n'arrive pas à s'en servir. Oui, oui, parce qu'il y a toujours un truc, devrait être formidable. Et après on y arrive petit à petit. Bah, c'est un peu comme celle-là, quand on l'a découvert au début, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est cet engin. Puis aujourd'hui on s'est habitué, puis on la connaît très bien, on la bichonne et tout ça, on l'aime cette console. Voilà. Voilà, il faut bien rigoler un petit peu. Donc, dans l'émission Mavrika, pour l'instant, personne n'est prévu. Et justement, je voulais en revenir au groupe Custom. Le groupe Custom, c'est le seul groupe qui n'est jamais venu dans l'émission Mavrika. Ah oui. Tous les autres sont déjà venus. Ils font tous partie, souvent, ils font partie de la Mavrika Family avant de faire partie d'un Mavrika Live. Mais cette fois-ci, ça s'est fait à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient prévus pour venir. Finalement, tout a été annulé à cause du Covid. Et finalement, ils sont toujours pas venus. Donc, moi, dès que j'ai les dates, je vais essayer de le faire passer en priorité parce que j'aimerais bien qu'ils viennent dans l'émission Mavrika avant de passer au Mavrika Live. Hein. Donc, le groupe Custom. Et après, j'ai plusieurs demandes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé à venir dans l'émission. Mais pour l'instant, comme je ne peux pas donner de date, je les mets, vous inquiétez pas, vous allez venir, hein, parce que moi, j'aime bien recevoir tous les gens. Je donne vraiment la chance à tous les artistes qui ont du talent de venir dans l'émission, parce que finalement, moi, c'est quelque chose que je partage, quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les recevoir dans l'émission. J'aime aussi ce qu'ils font, sinon je les recevrai pas, parce que je suis pas obligé, hein, comme je disais tout à l'heure, je suis pas obligé. Moi, je suis pas payé pour recevoir des, comme certains, hein, voilà, on dit voilà, t'as un truc, c'est complètement nul, mais t'es payé pour le passer, bah tu le passes, et ben les gens ils le passent. Moi non, j'ai quand même cette liberté grâce à Radio Arc-en-Ciel de passer que les meilleurs artistes de la région orléanaise. Voilà. Donc il y en a d'autres qui ont demandé à venir et ça me fait toujours plaisir. Des gens qui sont déjà venus une première fois et quelques temps après ils me disent je reviendrai bien parce que j'ai passé un bon moment avec toi. C'est vrai que l'émission, on la voit pas passer 3 heures, ça va très vite. C'est phénoménal. Et donc c'est toujours un plaisir de venir dans l'émission. Et pour moi, ça fait 13 ans que je le fais, ça fait 547 émissions. À chaque fois, c'est différent. Donc, ce soir, il y a ton univers à toi qui est, tu m'aides à commenter un petit peu les musiques qu'on écoute. C'est peut-être un peu. Non, moi j'aime bien. Justement, ça fait une forme de dialogue. C'est différent. Quand on est tout seul, c'est un peu bizarre. Ah oui, hein, c'est différent. Bon, il faut changer. Et des fois, j'ai des artistes. Ils sont plus nombreux. Des fois, il y a des photographes. Des fois, il y a des on parle de plein d'univers différents. Et c'est ce que j'aime bien dans l'émission Mavrika. Et c'est ce que vous aimez aussi. aussi, vous, chers auditeurs, qui nous écoutez depuis très longtemps. L'éclectisme. Voilà. L'éclectisme. Ouais, j'en ai fait quand j'ai cité. Quand j'ai cité. Voilà, les inconnus, c'était pour les citer. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. On va dire les phrases magiques aussi, hein, parce qu'on a encore des morceaux à diffuser. Mais bon, comme on arrive à la fin, on a aussi le temps de dire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Que le swing soit avec vous. Que la bonne musique en général soit avec nous. Que le rock and roll soit avec nous. Ça, c'est le côté un petit peu Johnny Hallyday, voilà. C'est une histoire comme ça où j'avais entendu, c'était à propos de Johnny Hallyday. Bon, c'est pas vrai, hein, il faut pas non plus. Mais c'était à un moment, il était avec c'était à l'époque où il était avec comment il s'appelait là, Sheila. Non, c'était pas Sheila. Attends, ça y est. Avec Sylvie Vartan, voilà. Et donc à un moment, ça allait plus entre eux, et puis donc Sylvie avait demandé à Johnny, écoute, on va faire un. On va peut-être essayer de faire un break. Et dit, tu sais ce que c'est un break? Il dit, bah oui, je sais ce que c'est un break, c'est une voiture avec un grand coffre. Voilà, c'est une histoire. Bon, ça m'a fait beaucoup rire. En vérité, j'apprécie beaucoup de Johnny Hallyday. Johnny voilà. Aussi, qu'elle est dans un bar-tabac. Tu sais, sur la porte, il y a toujours marqué ouvert et fermé, ouais. La petite pancarte. Là. Donc il rentre dans le bar, il achète ses clopes, il va pour sortir, il voit marqué fermé, puis il demande, il y a quelqu'un qui sait à quelle heure ça ouvre dehors. Ouais, voilà, c'était les guignols, c'est là. Non, mais il faut savoir aussi que Johnny Hallyday, parce que j'ai reçu une choriste de Johnny Hallyday, hein, qu'il a très bien connu, hein, il avait cet humour-là. Hein, oui, il aimait rigoler. Hein, c'était quelqu'un qui. Donc, je pense pas que ça le blesse de rigoler là-dessus. C'est Angéline Anonier qui a demandé d'ailleurs à revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on fera sûrement une émission très prochainement avec elle. Et elle nous avait raconté aussi des histoires comme ça, justement, à propos de Johnny Hallyday. Et c'était quelqu'un de formidable, hein, qu'on apprécie encore aujourd'hui. Voilà. Les autres phrases magiques, c'est « Everything is gonna be alright ». Alright. Et la troisième, « Une vie sans musique, ça aurait été une erreur ». C'est vrai que ça serait vraiment une erreur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai calé, moi, juste après? Eh ben, justement, le dernier groupe qu'on n'a pas écouté encore dans l'émission de ce soir, et qui fera partie du prochain Maverick Alive, donc le 10 juin, c'est Melody Road. Alors là, c'est pareil. Moi, il y a, ouais, ce morceau-là, j'adore, Freedom. Et c'est un morceau qui est formidable. Et moi, bon, je les ai reçus ici il y a quelque temps. Et la chanteuse, Joanna, a une voix. Moi, je sais que quand j'ai écouté, j'ai dit, waouh! Et ça fait vraiment plaisir de savoir que, bon, les musiciens, ils sont excellents aussi, hein, il faut quand même pas mettre tout derrière une voix. Mais alors, l'ensemble, c'est un groupe formidable que j'ai beaucoup apprécié. Et je suis pas le seul puisque les gens ont voté pour eux. Et ils font donc partie du prochain Maverick Alive. On va écouter tout de suite la voix de Joanna et la musique des Melody Road avec le titre Freedom. Feel like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Faith in the fear that the truth I discovered. No telling how all this work out, but I've gone too far to back now. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it, everything I have. Well, I'm looking for freedom. arrive à la fin de cette émission. C'était la voix de Johanna, donc la chanteuse du groupe Melody Road. Et on va se retrouver le 10 juin à la Chapelle Saint-Mémin. À la Chapelle Saint-Mémin, dans le Maverick Live numéro 12 à l'espace Berrère de la Chapelle Saint-Mémin. Voilà la grande salle, hein, celle de 500 personnes. Oui, oui, oui. Et on espère bien que vous allez la remplir. Hein. Voilà. Venir nombreux. Venez nombreux, amenez vos amis, amenez vos enfants. Il y en a pour tous les âges, hein. Il n'y a aucun souci. Et on va écouter de la bonne musique. Il y aura de la bonne musique, une bonne ambiance. Et il y aura tous les gens qui sont passionnés de musique qui seront là. Il y aura aussi des gens qui seront là pour présenter leur travail. Donc il y aura des stands avec il y aura des expos, des exposants, ouais, donc des vêtements, il y aura des photographes, il y aura aussi oui, plusieurs photographes. On vous tiendra au courant de tous les gens qui seront donc dans cette édition numéro 12 du Maverica Live. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Pascal d'être venu dans l'émission Maverica. Tu reviens quand tu veux. Hein. Bon, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Si tu veux découvrir le groupe Glass Zone, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, moi je vais les découvrir parce que je ne les connais pas encore, mais justement, j'ai déjà écouté leur son. Moi, ça me rappelle un petit peu la belle époque aussi avec le son de The Cure. Je ne sais pas si tu te souviens un peu. Ouais, ouais, il y avait ce petit son New Wave. Ouais, voilà, j'aime bien ce petit côté-là. Donc, Glass Zone, on découvrira dans l'émission de la semaine prochaine. La semaine suivante, ça sera les Status Guy et la fin du mois, donc ça sera avec Stéphane Acoustique. On va se quitter avec un groupe que j'ai reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit des The Brunettes. Voilà, les filles avec Lover Song. Donc le premier morceau, c'est une exclusivité qui a été enregistrée spécialement pour leur passage dans l'émission Maverica, parce qu'ils n'avaient pas encore d'enregistrement. Mais je sais que ça va pas tarder bientôt, ils pourront revenir à nouveau pour nous présenter leur album, parce que je crois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Voilà, merci beaucoup Pascal en tout cas, et puis de toute façon on se revoit demain donc au ouais, concert. Demain, hein, demain. Voilà. Alors demain, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi déjà. Ah, il y a le Cricfest. Alors c'est où? Mais c'est où? Ça se passe à Cléry-Saint-André, donc il y aura donc trois groupes. Il y aura It Earthline, il y aura Prisma et il y aura Warm Up. Voilà, j'ai rien oublié. Ça commence à 19h, ouverture des portes, et il y aura aussi des exposants sur place, donc tout pour passer une très bonne soirée. Super soirée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Pascal. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc avec le groupe Glass Zone. On vous souhaite, l'équipe de Maverica vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. Un bon week-end de Pâques. Un bon week-end Pascal. Oui, de Pascal. Je te souhaite un bon week-end Pascal. Merci. Et j'avais pensé ça. Et tu vois, il était temps encore de la faire cette blague. Et une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h. On se quitte avec The Brunettes. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. De pediatria do Hospital da Cidade. O serviço está fechado hoje e vai estar no